Antonin. Mais complètement idiot. Oh oui, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Pourvu qu'il le reste, au moins. Ça ne t'en fait pas, il n'est pas prêt de changer. Elle est aussi bête que lui, mais ils sont gentils tout de même. Bien sûr qu'ils sont bêtes et gentils. Mais tout ça, c'est rapport à l'amour. Je veux même vous dire des choses que vous ne voyez pas. Par exemple, le Duparquet, ben, il a eu une idée. Puisque l'oncle de Ciboulette, il veut absolument que sa nièce se déniche un fiancé, eh bien, Antonin fera semblant d'être ce fiancé. Et Ciboulette le fera passer pour Nicolas, le métayer que son oncle attendait. Et tout ça pour contrer les 8 fiancés de Ciboulette qui rappliquent. Ça va faire une drôle de salade.